Bonsoir et bienvenue à Amandla. Ce soir, nous avons une entrevue avec le co-réalisateur du documentaire « Et maintenant nos terres ». Ce documentaire traite de la résistance à l'accaparement des terres à l'heure actuelle en Afrique et il a été présenté récemment dans le cadre de la 32e édition du Festival Vue d'Afrique à Montréal. Il s'est vu remporter deux prix dans la catégorie développement durable, puis dans celle des droits de la personne. Le co-réalisateur Julien Lenette est notre invité. Merci d'être avec nous pour Amandla. Merci, bonjour. Ce documentaire parcourt l'Afrique de l'Ouest, du Cameroun au Bénin, en passant par le Sénégal. Quel était votre but en réalisant ce documentaire sur la résistance actuelle à l'accaparement des terres dans le monde? Alors, Et maintenant nos terres est un documentaire que j'ai co-réalisé avec Benjamin Paul, avec comme objectif effectivement de changer de regard par rapport à ce phénomène d'accaparement des terres qu'on peut voir en Afrique notamment. Et c'est un sujet qui est assez bien médiatisé avec plusieurs documentaires et nombreux articles en fait sur ce phénomène, souvent avec un discours assez manichéen du grand acteur occidental ou des grands investisseurs étrangers qui viennent s'accaparer des terres en Afrique sur des terres qui sont détenues par des petits producteurs. Ce qui nous intéressait, nous, c'est, on l'a vécu avec, à travers nos différentes expériences africaines, de montrer aussi la résistance qui se passe sur place, les acteurs locaux, les petits producteurs, les organisations de la société civile s'organisent et résistent par rapport à ce phénomène pour défendre leurs terres et leurs droits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux qui reposent sur la paysannerie par rapport à l'augmentation de la demande mondiale en ressources agricoles? Oui, bien sûr. Depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a une pression effectivement qui est extrêmement forte sur le foncier. Des millions d'hectares à l'échelle de la planète ont été acquis par des grands investisseurs ou des grands industriels, notamment avec la flambée du cours des matières premières et puis la spéculation aussi foncière sur le prix des terres. Et donc, ça a amené effectivement de nouveaux acteurs à s'intéresser à l'achat de terres, et notamment et principalement en Afrique, qui est l'un des continents où on a une réserve de terre qui est la plus importante à l'échelle mondiale. Dans votre documentaire, on peut retracer au Cameroun, par exemple, une situation où les gens résistent sur place. Vous pouvez présenter en quoi cette situation d'accaparement des terres peut violer les droits fondamentaux des populations locales et puis aussi expliquer ce qu'elles font face à cette forme d'oppression pour résister et transformer leur futur? Bien sûr. Au Cameroun, nous, on a été voir deux exemples en fait, de résistance. Le premier, à Moundemba, à l'ouest du Cameroun, c'est Nasako Bezingi, en fait, qui porte depuis plus de 20 ans une organisation qui s'appelle le CEFE et qui défend les droits des populations locales, et notamment par rapport aux enjeux environnementaux. Nasako Bezingi, depuis l'arrivée en fait, d'un fonds d'investissement à travers l'entreprise Heracles Farm, qui a acquis plus de 20 000 hectares en fait, dans cette zone de forêt primaire, pour y établir une grande installation de production d'huile de palme. Donc 20 000 hectares, il faut se rendre compte effectivement que ça concerne beaucoup de villages qui sont localement, donc ils s'approprient en fait ces terres-là, donc ils sont obligés de bouger les populations locales, et puis un impact aussi extrêmement fort sur l'environnement avec une déforestation qui est très forte. Donc Nasako Bezingi, au prix en fait de sa vie et puis de plusieurs actions en justice qui sont menées contre lui, défend effectivement les droits des paysans à localement en fait vivre de leurs terres, travailler sur leurs terres et puis protéger la biodiversité notamment, et puis les ressources forestières qui sont une véritable richesse pour ces populations locales, et puis l'accès à l'eau également qui est menacé par ce projet. Au Cameroun, le cas de la résistance au groupe Socfin Bolloré est également intéressant. Emmanuel Elong, en fait, qui porte une alliance des riverains de la Socfin Bolloré. La Socfin, en fait, c'est un groupe industriel qui est basé au Luxembourg, qui opère des plantations, des grandes plantations d'EVA et d'huile de palme, et qui est présent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Nous, on a rencontré Emmanuel Elong, qui est au Cameroun, à Mbonjo, dans un petit village près de Douala, qui résiste justement à l'expansion en fait de ces grandes plantations, qui sont des anciennes plantations étatiques, en fait, qui étaient portées par la Soka Palm au Cameroun, qui est une ancienne entreprise d'État, donc de production d'huile de palme, qui a été rachetée au début des années 2000 par la Socfin, justement. Et donc, Emmanuel, en fait, s'est organisé avec l'aide de l'organisation REACT. Le REACT, en fait, c'est une petite organisation française qui est basée à Grenoble et qui s'est donné pour mission, en fait, d'organiser, justement, de structurer la lutte des différents groupes de riverains de ces plantations. Et donc, Emmanuel, en tant que représentant de l'Alliance, a pu porter ses revendications et ses droits auprès du groupe Socfin directement et du groupe Bolloré, en fait, qui est le groupe Bolloré, un grand industriel français, qui est actionnaire à hauteur de 38% en fait dans la Socfin, cette entreprise luxembourgeoise. Monsieur Bolloré avait été interpellé de manière directe à la suite d'une assemblée générale à Puteaux en région parisienne par justement les représentants de cette alliance. Donc ça avait lancé un processus de négociation, un processus en tout cas de médiation entre directement le groupe Bolloré et cette alliance de riverains qui représente les différents pays africains qui sont à l'œuvre. Emmanuel Elong a été invité à la fin de l'année 2014 à rencontrer à Paris des représentants du groupe Bolloré pour présenter ses revendications et établir des premières phases de médiation pour acquérir des droits, en fait, sur les différentes plantations du groupe. Ces négociations, en fait, ont duré plusieurs mois, nombreux échanges, et finalement, le groupe Bolloré s'est retranché derrière sa position d'actionnaire minoritaire du groupe Socfin, en disant qu'effectivement, ce type de problématique était la responsabilité du groupe Socfin directement et pas du groupe Bolloré. Donc ces négociations n'ont pas abouti à une amélioration, en fait, des conditions des populations localement. Et le groupe Socfin, lui, présente une position beaucoup plus sévère, avec très peu de marge de dialogue, justement, pour faire avancer la cause des populations locales. Et quelle est la position du gouvernement par rapport à ces groupes qui militent pour leurs droits? Alors, justement, l'entreprise Heracles Farm a opérer avec le gouvernement camerounais pour acquérir ces terres. Et puis également au niveau local, c'est vrai qu'il y a Nasako Bezingi dénonce de nombreux cas de corruption, en fait, des chefs locaux qui se retrouvent à céder leurs terres contre des formes d'argent ou des formes de rémunération. Au Sénégal maintenant, la mobilisation de leaders locaux semble aussi porter ses fruits pour que les populations puissent préserver leur autonomie sur leur terre. Est-ce que vous pouvez nous retracer des actions qui ont été menées par les populations au Sénégal? Oui, bien sûr. Au Sénégal, c'est une situation un peu différente parce qu'on est sur des populations principalement peules, donc des éleveurs effectivement de bétail, qui, dans le cas que nous on a été voir, c'est le collectif des 37 villages de la réserve de Ndiaël qui s'oppose au projet de l'entreprise Senuil. Senuil, c'est une corporation avec différents actionnaires, à la fois sénégalais et puis une entreprise italienne aussi, Tampieri Financial Group, qui ont là aussi acquéri une grande étendue de terre pour réaliser différents types de cultures, toujours effectivement en monoculture, des grandes étendues de maïs notamment. Et donc les populations sont organisées à travers différentes étapes. Les différents villages, en fait, se sont réunis autour justement de ce collectif des 37 villages pour défendre l'endroit. Ils ont commencé à s'organiser. Ils ont bénéficié du soutien très actif, en fait, des ONG sénégalaises, donc le CNCR par exemple, ENDA Pronat également, qui sont des organisations sénégalaises très actives sur ces sujets-là. Et donc ils ont aidé dans la structuration, en fait, de leur mouvement et qui ont pu porter leur voix même au niveau international, notamment dans la presse, pour venir faire pression sur cet investisseur qui s'accaparait, en fait, les terres qui étaient nécessaires pour le bétail. Et donc ces populations, en fait, elles se battent effectivement contre le projet, elles se battent contre le fait que leurs terres soient retirées, qu'elles puissent plus effectivement vivre, en fait, de leur travail, notamment d'éleveurs. Et puis elles se battent également contre les perspectives, en fait, qui sont proposées par cette entreprise. L'entreprise localement, en fait, propose, et c'est notamment quelque chose qu'elle fait peser dans le débat, de la création d'emplois. Sauf que en fait, les emplois qui sont proposés sont souvent des emplois précaires, en fait, avec des contrats qui soient journaliers, soit mensuels, en fait, dans les meilleurs des cas. Donc on vient proposer à des éleveurs, effectivement, qui vivent de leur travail sur leur terre, de devenir, en fait, dépendants d'une organisation. Alors il ne faut pas enjoliver la situation localement, c'est vrai qu'il y a des gros besoins, la situation est extrêmement difficile, hein, que ce soit au Cameroun, dans le cas de Moundemba, ou au Sénégal, ces populations de petits producteurs, de petits éleveurs, ont aussi beaucoup de mal à vivre de leur travail. Il y a un besoin énorme en formation, en équipement, en investissement dans les infrastructures. Mais ce qu'ils défendent, surtout, c'est aussi leur mode de vie, le fait de pouvoir vivre dignement de leur travail, rester autonome en tant que producteur ou en tant qu'éleveur, et ne pas devenir effectivement des employés dans des conditions extrêmement précaires d'une entreprise étrangère ou d'un groupe qui peut être étatique. Si on regarde au Bénin, il y a un exemple de modèle d'exploitation qui est très prometteur, qui semble bénéfique, qu'on peut retracer dans votre documentaire. Vous pouvez nous en parler un peu? Bien sûr, effectivement, on a voulu ouvrir, en fait, terminer le documentaire sur une perspective positive et aussi porter un regard optimiste par rapport au sujet agricole en Afrique. Tous les résistants, en fait, qu'on a pu rencontrer au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, c'est vrai qu'ils se battent au jour le jour contre des projets d'agriculture industrielle qui sont portés par des gros investisseurs. Mais ils se battent également pour un autre modèle de développement agricole en Afrique. Un modèle effectivement qui est fondé sur les savoir-faire locaux, qui vient créer de la valeur localement, créer de l'emploi. Et donc on a été rencontrer effectivement Godfrey Nzamunjo, qui est le père, en fait, du Centre Songhai. Centre Songhai qui est un centre qui est établi à Porto Novo et qui vient justement promouvoir cette agriculture biologique fondée sur les savoir-faire locaux. C'est également un gros centre de formation, en fait, qui forme plusieurs centaines d'étudiants chaque année aux nouvelles pratiques agricoles biologiques avec du recyclage, beaucoup l'utilisation des matières premières locales, la non-utilisation d'intrants chimiques notamment, l'autodépendance. Et donc des étudiants, en fait, qui viennent d'un peu partout en Afrique, Afrique de l'Ouest principalement, et qui ont pour mission, en fait, de se former dans ce centre à travers un différent cycle, ça peut être de plusieurs mois à plusieurs années, et ensuite de partir leur ferme dans leur pays d'origine, et avec la mission également d'essaimage, c'est-à-dire de former autour d'eux aussi d'autres agriculteurs qui peuvent, là encore, développer des fermes et puis s'autonomiser. Est-ce que c'est possible de nous indiquer où peut-on voir votre documentaire après le Festival Vue d'Afrique? Oui, bien sûr, le film est disponible en streaming sur le site internet du film, donc maintenantnotaire.com. Vous avez un mot de la fin pour nos auditeurs, auditrices? Ben écoutez, oui, je vous invite à regarder le film, à vous informer effectivement sur ces questions des questions foncières en Afrique. Les questions de développement agricole sont des questions qui sont partagées par tous les producteurs en Afrique, mais même plus globalement dans nos pays. Quels sont les choix qu'on veut faire par rapport à notre agriculture, par rapport à notre alimentation? C'est des choix qui doivent reposer dans les mains des citoyens. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Je rappelle que nous avions une entrevue avec Julien Lenette, qui est réalisateur du documentaire « Et maintenant nos terres », qui traite de la problématique de l'accaparement des terres en Afrique et de la résistance qui existe. Merci beaucoup. Au revoir.